Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Sanganelo, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. Le secrétaire général du parti présidentiel souhaite que l'élite des Imbonerakure soit représentée dans tous les secteurs de la vie du pays. Ce souhait a été émis ce samedi lors des cérémonies de la journée dédiée à ces jeunes pour la 6e édition. Et la responsable de la protection de l'environnement à Kayanza reconnaît la diminution des feux de brousse dans le parc national de la Kibira et ordonne aux frontières inhumation ce dimanche de l'ancien président angolais José Eduardo de Santos qui venait de passer 42 ans au pouvoir. Il est décédé en juillet de cette année. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, plus de 7000 jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure ont été formés durant 4 mois sur le patriotisme et d'autres thématiques. Dans son discours ce samedi lors de la célébration de la journée dédiée à ces jeunes au stade Ingoma de Gitega, Révérend Kouriyo, secrétaire général de ce parti, a émis un souhait de voir une élite Imbonerakure et dans différents secteurs de la vie du pays. On l'écoute. Ces cérémonies se déroulent 4 mois après des séances de formation à l'endroit des Imbonerakure. 7229 jeunes ont été formés sur le patriotisme, le passé de notre pays, l'histoire du combattant et le bon comportement d'un héritier. Ils ont été aussi formés sur la défense des intérêts du pays, la paix, la sécurité et l'esprit entrepreneurial. Tout Imbonerakure, fier de l'être, quel que soit l'endroit, est appelé à servir de bon exemple. Le temps des paroles est déjà passé. C'est l'heure des actions. La paix est source de tout développement. Dans la quadrilogie, apprenons à sauvegarder cette paix et sécurité. Il est grand temps que l'élite soit des Imbonerakure, des ingénieurs, tous les médecins et dans d'autres secteurs soient des Imbonerakure jusqu'à ce que le monde, à commencer par l'Afrique, change de langage à l'égard des Imbonerakure. Poursuivons cette édition, le pont communément appelé Kukayungiro, situé sur la rivière Vironza et reliant la commune Nyabihanga de la province Mwaro et celle de Gitega, est penché depuis environ 2 ans. Certains habitants de la commune Nyabihanga qui traversent souvent ce pont disent qu'il a un grand avantage pour eux. Ils demandent qu'il soit construit. Gérard Nitzgimana, administrateur de la commune Nyabihanga, dit que la question a été adressée aux autorités hiérarchiques. Laurent Ndikuri. Selon certains habitants de la commune Nyabihanga de la province Mwaro, ce pont dit Kukayungiro construit sur la rivière Luzironza vers les années 80 était au départ construit avec des fils métalliques, mais par après, la population y a ajouté des planches. Selon ces habitants, vers la saison des pluies de 2020, ce pont a commencé à être penché. Ce pont relie la commune de Nyabihanga de la province Mwaro à la commune de Gitega. Selon les informations fournies par certains habitants qui traversent souvent ce pont, des informations confirment par Gérard Nizigimana, administrateur de la commune Nyabihanga. Ce pont permet aux habitants de cette commune de Nyabihanga, tout comme ceux de la commune Ndava, de se rendre facilement dans la ville de Gitega, soit ceux qui vont au marché ou pour d'autres activités. Il est aussi traversé par les élèves qui fréquentent les écoles des environs en provenance de Gitega, ceux qui se rendent dans les structures de santé de la place, tout comme les fonctionnaires qui travaillent dans la commune Nyabihanga, mais habitant la ville de Gitega. Ils craignent qu'avec la saison pluvieuse prochaine, ce pont risque de s'écrouler. Il demande qu'il soit construit. Gérard Nizigimana, administrateur de la commune de Nyabihanga, dit que la question a été adressée aux autorités du ministère ayant en charge les équipements, ainsi qu'à l'agence routière du Burundi, ARB, et attend pour le moment la réponse, car sa construction nécessite des moyens que la commune ne peut pas disposer. De moi, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikuriyo. De Mwaro, rendons-nous à Kayanza, au nord du pays, où les feux de brousse ont sensiblement diminué dans le parc national de la Kibira. Il y a 4 ans, sans que cette catastrophe naturelle s'observe dans la Kibira, une précision du directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Kayanza. Les membres du comité collinaire comme Remera et Muchiro, frontaliers chargés de protection de cet écosystème, reconnaît cette situation. Le point avec Audrey Akimane. Selon les membres des comités des collines frontalières avec le parc de la Kibira, dont l'Emira Gwegura, regroupés dans le programme de protection de l'environnement, ces quatre ans viennent de s'écouler sans que l'effet de brousse soit rapporté dans la Kibira grâce aux activités de lutte contre toute personne qui menace le parc, y compris les exploitants illégaux des minerais. Darudzani Claude, un des membres de ce comité, place à l'actif de cette situation de formation reçue en matière de protection de l'environnement. Normalement, on se faisait représenter par 5 personnes sur les collines frontalières de la Kibira. Nous avons eu la formation là-dessus. Les feux de brousse dans la Kibira ont diminué depuis. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a plus de feux de brousse dans la Kibira comme auparavant. En comparant avec les années antérieures, dans cette région, si l'on analyse, il n'y a plus de gens qui fabriquent des planches dans la Kibira, non plus des exploitants illégaux dans la Kibira, car une fois attrapé, vous êtes traduit en justice. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE dans la province de Kayanza reconnaît la diminution sensible de cette catastrophe. Abel Ndigayo trouve que la population est déjà sensibilisée. Les feux de brousse ne sont pas très fréquents. Nous venons de passer une période d'environ 4 ans que les feux de brousse sont maîtrisés dans le parc national de la Kibira. S'il arrive qu'il apparaît du feu dans le parc, la population est déjà sensibilisée et le feu est vite maîtrisé. L'article 212 du Code forestier révèle que toute infraction à la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt est punie d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs burundais. Actualité internationale. Hors de nos frontières, l'Angola enterre ce dimanche 28 août son ancien président José Eduardo de Santos, mort le 8 juillet dernier à Barcelone. Ce samedi, le cercueil de celui qui a dirigé le pays pendant 42 ans a été exposé sur la place de la République à Luanda. L'Angola a connu une guerre civile de plus de 25 ans entre le MPLA de José Eduardo de Santos et l'Unita de Jonas Savimbi. Sur la place, de grands panneaux, des photos de combattants saluent l'artisan de la paix. Et au Kenya, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême et en particulier sa présidente Martha Koome. Lundi, Raila Odinga a déposé un recours devant cette juridiction, la plus haute du pays, pour tenter de faire invalider la victoire de William Ruto à la présidentielle du 9 courant. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer. Nommée en mai 2021, Martha Koome a donc la lourde responsabilité de trancher le litige et de décider de la suite du processus politique en cours. Et en République démocratique du Congo, de nombreuses personnes s'opposent à la destruction du lycée historique à Lubusha, à Lubumbashi. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le complexe scolaire Lubusha à Lubumbashi, dans l'ex-Katanga, est menacé de démolition. Deux prêtres ont vendu à une entreprise minière chinoise des carrés miniers dont le site du lycée appartenant à l'église catholique est composé d'une école primaire et d'un lycée de jeunes filles. L'exploitation serait estimée à 300 000 tonnes de cuivre et métal. Et en Libye, l'homme fort de l'est de ce pays, le maréchal Khalifa Haftar, a perdu vendredi une bataille dans l'affaire judiciaire qui l'oppose aux États-Unis à des ressortissants libyens l'accusant de torture et d'exécution extrajudiciaire. En 2019 et 2020, des familles libyennes avaient porté plainte au civil contre le maréchal Haftar, responsable selon eux de la mort de leurs proches tués dans des bombardements. Et voilà, chers auditeurs, à 13h06, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Anselme Irambona qui était à la manette édition. Au revoir.